Tu sais, je vis comme si j'allais mourir demain. J'écris chaque ligne comme si c'était mon dernier refrain. Finalement, c'est quoi le temps? Je connais le début, pas la fin. On a beau provoquer le destin, quand ça se termine, c'est fini, plus rien. Il est parti trop tôt pour que je lui dise au revoir. J'imagine même pas Jules et tous ses cauchemars, ni toutes ses angoisses, ni tout son courage. Pense à sa sœur et sa mère, à l'idée d'être éternel. Je sais à jamais son nom sur leurs lèvres. Pour le reste, je sais que j'ai rien, évidemment. J'en suis voulu de pas être là le jour de l'enterrement. Je faisais un clip au Canada, entre deux soirées bien arrosées. Entre mon corps et mon cœur, il y avait un fossé. C'est dans ces moments-là que je me dis, ça sert à quoi de se la raconter? Tu peux peser tout l'or du monde, t'as pas de contrôle sur le destin. Rien de pire que de perdre un proche, hein. Et souvent c'est comme un mauvais sort, la mort n'arrive pas seule. Je pense au père, à Victor, force à ceux qui sont en deuil. Jusqu'il y a pas si longtemps, je nous pensais invincibles. Tu peux croire au miracle, mais y'a des choses impossibles. J'ai pris des coups dans ma vie, mais cette douleur est unique, alors aujourd'hui. Tu sais, je vis comme si j'allais mourir demain. J'écris chaque ligne comme si c'était mon dernier refrain. Finalement, c'est quoi le temps? Je connais le début, pas la fin. On a beau provoquer le destin, quand ça se termine, c'est fini, plus rien. Conscience de tout ça, t'as qu'une envie, c'est de profiter de l'instant. Même dans la nuit noire, je veux voir tes yeux étincelants. Prends une seconde et regarde-nous vivre ces moments. Tous ensemble en train d'ouvrir une bouteille, crier pour un mariage, accélérer pour faire la course, acheter les toutes dernières sapes, rigoler en terrasse, aller chercher une nièce à l'école, parler anglais dans un bureau de change et rentrer avec le premier métro après la crémaillère d'un frérot, ou dans un repas de famille où rien ne s'envenime, puis prendre la pose en photo. Le bonheur est dans ces moments-là. Le bonheur est dans les choses simples. Le bonheur est dans ces moments-là. Le bonheur est dans les choses simples. On devrait se donner plus de nouvelles. Pas besoin de l'alcool pour se parler le cœur ouvert. Des vrais amis, t'en as pas une dizaine. Ça manque l'époque où on traînait près d'un local à poubelle. Les amis, c'est la famille qu'on choisit. Ceux avec qui je voyage jusqu'au bout de la nuit. Certains m'ont déchiré le cœur, mais je laissais ailleurs. Je supporterais pas qu'ils partent ou qu'il leur arrive un malheur. Tu sais, je vis comme si j'allais mourir demain. J'écris chaque ligne comme si c'était mon dernier refrain. Finalement, c'est quoi le temps? Je connais le début, pas la fin. On a beau provoquer le destin, quand ça se termine, c'est fini, plus rien. Tu sais, je vis comme si j'allais mourir demain. J'écris chaque ligne comme si c'était mon dernier refrain. Finalement, c'est quoi le temps? Je connais le début, pas la fin. On a beau provoquer le destin, quand ça se termine, c'est fini. Plus